moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les 24 heures du Mans, une histoire à fond la caisse. Le 28 mai 1923, le quotidien Le Gaulois se passionne pour le Grand Prix d'endurance de 24 heures organisé au Mans dans la Sarthe avec un envoyé spécial. L'initiative de l'Automobile Club de l'Ouest et de la maison Ridge Whiteworth a été justement couronnée d'un succès remarquable. Une épreuve d'endurance de 24 heures avec 35 engagements qui représentent 16 marques. Le journaliste explique, à vrai dire, les résultats obtenus ont dépassé l'attente générale. La plupart des conducteurs se payèrent le luxe de couvrir des centaines et des centaines de kilomètres de plus qu'il n'était nécessaire, ce qui prouve la qualité d'ensemble des meilleurs d'entre eux. En 1923, c'est la première course des 24 heures du Mans, une bien belle et longue histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Sur ce circuit, vous allez assister à la plus grande course automobile du monde. Elle a été créée par Charles Farrow et Georges Durand peu après la Première Guerre mondiale. Situé au sud du Mans, le tracé choisi pour cette épreuve utilise un tronçon privé appartenant à l'Automobile Club de l'Ouest, un tronçon d'une route nationale qui constitue la fameuse ligne droite des Hunaudières et plusieurs portions de route départementale. Actuellement, le circuit développe 13 km 469, entièrement équipé de visières de sécurité. Hormis le temps consacré aux essais et à l'épreuve, ces routes sont rendues à la circulation. Sur la ligne droite, les plus hautes vitesses atteintes dépassent 350 km/h. Le nombre de difficultés que les hommes et les machines doivent vaincre en font l'épreuve souveraine de vitesse et d'endurance. Une présentation des 24 heures du Mans, c'est en 1971 dans le film Le Mans avec Steve McQueen. Bonjour Benoît Cariter. Bonjour. Dans cette histoire du Mans, nous sommes en 1923, à un moment, il faut le rappeler, où le sport, et plus globalement les sports, est au cœur des préoccupations. Il y a énormément de publications et dans la presse autour de ces grands événements. Tout à fait. La presse a compris très tôt, d'ailleurs dès le 19e siècle, que les événements sportifs faisaient vendre. Donc annoncer un événement sportif, dire qui allait y participer, ensuite bien sûr raconter l'événement une fois que celui-ci s'était déroulé, c'était une façon bien évidemment d'augmenter les ventes. Un exemple très simple, le grand quotidien sportif de la première moitié du 20e siècle, bien sûr, 1900, créé en 1900, l'Auto, avait réussi à vendre jusqu'à 1 million d'exemplaires au moment de la grande course automobile Paris-Berlin, en 1901. Donc, nous sommes en 1901. Et bon, bien évidemment, une fois que l'on a compris ça, on saisit mieux pourquoi les journaux sportifs s'associent à l'organisation des principaux événements sportifs, que ce soit en matière de cyclisme ou, bien sûr, d'automobilisme. Et dans ce monde-là du sport, il y a quand même une définition à apporter, Benoît Cariter, c'est qu'est-ce que le sport tout simplement. Le 19e siècle, par la presse, est baigné de comptes rendus, de courses, de chevaux. Vous voyez, vraiment, c'est essentiel au 19e siècle. Ouais. Mais à partir de quel moment voit-on des descriptions d'autres sports? Alors, quand il est question des courses, à la fin du 19e siècle, c'est quoi? C'est le cyclisme et puis les premières automobiles. Tout à fait. Alors, il y a effectivement deux grandes définitions du sport qui vont se succéder au cours du 19e siècle. La première définition, c'est ce que l'on appelle le sport par délégation. Donc, ce sont les courses de chevaux, ce sont les combats de lutteurs, puis beaucoup plus tard, les courses cyclistes et les combats de boxeurs. Donc là, finalement, le sportman est celui qui regarde ces compétitions sportives, qui éventuellement parie sur leurs résultats. Et puis, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1870-1880, on voit apparaître une autre définition du sport qu'on appelle à l'époque les sports athlétiques pour les différencier du sport tel qu'il existait auparavant. Et là, bien, c'est le football, c'est le rugby, c'est la course à pied, donc des sports de participation directe. Là, le sportman, ce n'est plus celui qui regarde, c'est un spectateur, celui-là. Le sportman, c'est celui qui mouille le maillot, en quelque sorte, qui participe directement à la compétition. Il y a toujours cette question de spectacle qui est présente. Alors, c'est-à-dire qu'avec le sport par délégation, on comprend que le spectacle est intimement lié à certaines formes de sport. Je parlais de cyclisme, de boxe, de course automobile, bien sûr, de course de chevaux. Alors que pour les autres activités, football, rugby, course à pied, tennis, etc., c'est la pratique qui est première et le spectacle vient se greffer dessus. Et un sacré spectacle, vraiment, quand nous évoquons la presse qui regarde toutes ces compétitions, vous avez évoqué des tirages qui aujourd'hui feraient rêver n'importe quel quotidien, on peut parler facilement de millions, c'est-à-dire que ces journaux eux-mêmes sont porteurs d'événements sportifs parce qu'ils les créent pour pouvoir en parler. Tout à fait. Dans le cadre du sport automobile, la première course, donc Paris-Rouen, qui est un concours de fiabilité, qui n'est pas encore une course de vitesse, est organisée par Le Petit Journal. Alors, il y a bien sûr une dimension militante chez Pierre Giffard, qui est à l'origine de cette première compétition automobile en France. Une dimension militante parce qu'il croit dans l'automobile, mais simultanément, il voit bien quel intérêt il peut en tirer. Les courses cyclistes qui ont déjà été organisées depuis quelques années par des titres sportifs, en particulier Vélosport, le vélo, etc., ont bien compris que ça permettait de doper les ventes et d'augmenter les tirages, donc bien évidemment les recettes et les bénéfices. Donc il y a toujours cette double dimension, d'un côté une dimension militante, ce sont des amoureux du sport, ils veulent défendre leur sport, et puis de l'autre, bien évidemment, on est dans une logique commerciale bien comprise. Ce qui n'est pas incompatible. Ce n'est pas du tout incompatible en l'occurrence. Les 24 heures du Mans dans le cours de l'histoire et avec nous aujourd'hui, Hervé Guillaumard, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur du service patrimoine de l'Automobile Club de l'Ouest. Vous avez dirigé le circuit Bugatti. Puis vous êtes l'auteur de ces coulisses du Mans avec une longue histoire dans laquelle s'inscrit cette épreuve très particulière, les 24 heures du Mans. Dans ce que nous disait Benoît Carité sur ses premières courses d'automobile, il y avait en 1901 le Paris-Berlin, il y a eu le Paris-Rouen. On entend bien que ce sont deux villes qui font le parcours tout simplement. Oui, alors je pense que la ville la plus importante et la course la plus importante qui va déclencher ce qui va arriver ensuite, c'est 1903, Paris-Madrid. Et la course est une hécatombe qui va s'arrêter à Bordeaux. Et c'est l'État français qui va prendre conscience que les courses sur route ouverte, comme elles se pratiquent jusqu'alors, ne sont plus acceptables car c'est une hécatombe effrayante. Et donc, en 1903, l'Automobile Club de France va représenter l'État pour solliciter tous les départements de France à savoir qui sera le premier à créer un circuit automobile fermé sur lequel on pourra faire une course en sécurité. Oui, parce que vous êtes en train de nous expliquer, Hervé Guillaumard, qu'auparavant, pour ces premières grandes courses, les concurrents partaient comme ça sur les routes où ils pouvaient croiser d'autres véhicules automobiles et puis des véhicules hippomobiles, des cochons. Ah oui, c'était extrêmement dangereux. Absolument. Et 1903 a été vraiment une démonstration absolue de ce qu'il ne fallait pas faire. 500 véhicules au départ de Paris, sur route ouverte, c'était une horreur absolue. À partir de quel moment décide-t-on donc de mettre en place des circuits fermés ? Le premier circuit fermé, peut-on le dater ? Peut-on l'identifier ? Le premier circuit fermé, je pense que c'est la Coupe Gordon-Bennett dans les Ardennes 1904 et puis le circuit autour de Clermont-Ferrand qu'on a appelé le circuit Michelin en 1905 qui ont servi, si j'ose dire, de répétition avant la création du premier Grand Prix de l'Histoire au Mans en 1906. Le Mans, 1906, premier Grand Prix de l'Histoire. Hervé Guillaumard, quel est ce Grand Prix de l'Histoire ? Parce que là, avec ce prix au Mans, nous ne sommes pas encore dans les 24 heures du Mans. Nous sommes en 1906, donc faut encore attendre parce que c'est 1923 les premières 24 heures. Oui, en fait, on va privatiser l'espace d'un week-end le domaine public, un triangle 103 km sur lequel on va faire une compétition de 1200 km, 6 tours de 100 km le samedi, 6 tours le dimanche, une foule considérable. On dit qu'il y a 200 000 personnes au Mans pour la circonstance. On dit qu'il y a pratiquement 30 000 véhicules privés alors qu'il y en a que 150 000 en France. Donc c'est une concentration humaine incroyable. Gros succès, mais pour autant, les 24 heures ne vont pas arriver tout de suite, puisqu'il va falloir encore endurer la guerre, malheureusement, et son cortège de drames. 1911, 1912, 1913, l'Automobile Club de l'Ouest réalisera quand même des grands prix sur un circuit plus court, 52 km. Et puis en 1921, c'est vraiment la répétition des 24 heures, circuit de 17 200 km, qui préfigure le circuit d'aujourd'hui. Et on y fait un grand prix remporté par les Américains. ce qui montre bien l'intérêt que déjà outre-Atlantique on porte aux courses en Europe pour promouvoir le produit, puisqu'il s'agit d'une victoire Duesenberg américaine. Avec Benoît Cariteit, beaucoup de gens qui assistent à ce spectacle, à cette course. Là, quand nous écoutons Hervé Guillaumard nous parler d'un public, ça se compte en dizaines, parfois en centaines de milliers de spectateurs. C'est un vrai phénomène populaire. Tout à fait. Déjà, justement, un des problèmes de la grande course Paris-Madrid de 1903, c'était que la presse avait fait un tel battage autour de l'événement que les services d'ordre qui avaient été mis en place le long du parcours pour justement éviter les accidents, ces services d'ordre ont été totalement débordés et c'était une foule considérable des deux côtés de la route. Donc, très rapidement, on voit à côté d'une autophobie très marquée, on voit se développer un très grand intérêt pour l'automobilisme et pour les courses automobiles, donc pour ces monstres qui passent à des vitesses inimaginables, hein, puisqu'on atteint très rapidement quand même les 100 km/h. Donc là, on est sur des choses que seul le chemin de fer était capable de produire. Benoît Cariteit, vous êtes sociologue du sport, maître de conférence à la faculté des sciences de sport à Dijon, avec toujours un regard à porter sur qui assiste à la course, qui pratique la course. Nous sommes dans ces premières voitures. Alors, sont-ce des voitures chères? Est-ce que l'objet voiture est réservé à une élite ou alors est-ce qu'on est dans un monde de bricoleurs qui allaient tenter de construire sa voiture et puis on part sur les routes? Alors, les pionniers de l'automobilisme au XIXe siècle sont des bricoleurs, c'est-à-dire qu'ils inventent une machine avec les moyens du bord, ils reprennent des brevets qui ont été déposés par d'autres. Bref, on invente quelque chose qui n'existe pas, donc on l'invente à partir de rien. Et c'est donc forcément quelque chose qui est unique et qui est cher. L'automobile reste quand même un bien de luxe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, malgré, bon, bien sûr, aux États-Unis, la Ford T contribue à une relative démocratisation de l'automobile, mais en France, les constructeurs s'adressent d'abord à une clientèle fortunée, avec à côté des utilitaires, des camions qui vont se développer avant et après la Première Guerre mondiale. Deux types de voitures. D'un côté, la voiture d'un usage quotidien, la conduite intérieure avec la plupart du temps un chauffeur. Et puis, la voiture de tourisme, la torpedo, voiture ouverte avec laquelle on va partir à l'aventure sur les routes de France, visiter sa région, visiter les régions voisines. Il y a la course automobile est indissociable du tourisme, donc de ce goût pour les pérégrinations. Donc, on le faisait en vélo. Avec le développement de l'automobile, on voit se développer un tourisme automobile avec des voitures ouvertes, puisqu'il faut éprouver l'air, sentir l'air sur soi. Alors bien sûr, il y a une capote pour se protéger en cas de pluie, mais les conditions parfaites, c'est lorsque on peut se promener dans une voiture découverte. Voilà, ces premières courses automobiles indissociables du tourisme et indissociables aussi du bricolage. La course des caisses à savon est un des événements sportifs marquants pour les petits garçons de tous les États-Unis. Des voitures sans moteur dévalent la pente de la colline. À l'origine, une simple caisse à savon servait de matériel de construction. Mais avec des matériaux plus fantaisistes, les voitures du derby sont plus brillantes. Une année, ce fut Joe Lune de Thomasville, en Géorgie, qui obtint le titre de champion national. Tous les jeunes amis de Joe étaient impatients de connaître des détails sur la voiture gagnante. Et Joe d'expliquer ses projets pour une nouvelle voiture que l'un de ses amis espère conduire au derby de l'année suivante. Nous étions en 1947 pour la présentation de cette course de caisses à savon dans les Nouvelles Illustrées. Hervé Guillaumard, oui, et bien sûr, du bricolage, des bricoleurs de génie, il faut le dire, pour ces premières courses automobiles avec des marques. Et ça, c'est un aspect important de mettre en avant ces marques. Vous nous avez parlé que l'Amérique avait remporté, parmi ses premières courses, un prestigieux trophée. Mais qui l'a remporté? C'est une marque, c'est un pays ou c'est un pilote? À l'époque, ce sont des marques qui remportent. Mais vous avez raison, l'industrialisation de l'automobile ne va se faire en France qu'en 1919. La première voiture fabriquée à La Chelle en France, c'est la type A Citroën. Elle vaut 8000 francs à l'époque. Elle n'a pas de frein à l'avant pour ce prix-là. Et il faut payer un supplément pour la roue de secours. Mais les grands systèmes mécaniques qui vont être dans les autos ont été inventés effectivement dans les 25 premières années du 20e siècle. Finalement, après, c'est une question de déclinaison en grand nombre à La Chelle par les industriels. Et dans cette histoire-là, il y a une histoire nationale peut-être patriotique aussi. Les nations sont mises en avant au moment où s'organisent ces courses. Hervé Guillaumard, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on l'a un peu perdu hein, dans le monde de l'automobile. Oui, c'est un peu plus international aujourd'hui. Mais la preuve à l'époque, que vous avez tout à fait raison quand vous dites que les nations s'impliquent, c'est que les voitures des nations ont une couleur spécifique à la nation. Toutes les voitures françaises qui courent sont bleu roi, bleu de France. Les britanniques, bien sûr, sont vertes, British Racing Green. Vous avez les Italiens en rouge, les Belges en jaune, les Américains en blanc à bande bleue. Et donc ça va perdurer pratiquement jusqu'à l'apparition de la publicité sur les voitures dans la fin des années 70, pratiquement avant, même un petit peu. Hervé Guillaumard, ça veut dire qu'au moment où on annonce les résultats, mais ce qui va être dit, c'est la France l'a remporté avec telle marque. C'est ainsi que ça se passe ? Oui, parce que les Français sont chauvins et l'industrie automobile française a besoin de cette promotion planétaire. Et donc, les Français ne voient qu'à travers leur marque. Les pilotes, en fin de compte, sont les jockeys, comme disait tout à l'heure l'introduction de cette émission. On va promouvoir les pilotes à partir des années de l'après-guerre. Ah oui, c'est ça. Il y a vraiment une chronologie à mettre en place. Benoît Cariteit. Pour compléter ce que vous venez de dire, Monsieur Guillaumard, il faut rappeler aussi que la coupe Gordon-Bennett, donc la coupe automobile qui a été créée par James Gordon-Bennett, donc le propriétaire du New York Herald, c'est une compétition entre nations. Exactement. Et chaque nation doit être représentée par maximum 3 automobiles. C'est ça, et c'est ce qui va d'ailleurs être un peu la pierre d'achoppement, c'est que en France où on a énormément de constructeurs, on est un petit peu contrarié d'être limité à 3 voitures. On aurait tellement à proposer d'autres, et il va falloir quelques années pour que tout ceci se régularise, si j'ose dire. Avec toujours cette réflexion sur qu'est-ce qu'un circuit. Dans le cas de la Coupe Gordon-Bennett, il n'y a pas de circuit. En fait, c'est pas un lieu précis. Année après année, ça bouge et ça tourne. Hein, c'est comme ça. Tout à fait. Donc, les premiers circuits sont des circuits éphémères, aménagés pour une seule édition d'une compétition. Alors, dans le cadre de la Coupe Gordon-Bennett, le principe était le suivant. La nation qui remportait la Coupe devait, l'année suivante, organiser la Coupe Gordon-Bennett. Ce qui fait que, lorsque les Anglais ont gagné, je crois que c'est en 1902, en 1903, la compétition se déroule en Irlande. En 1904, donc, c'est en Allemagne, puisque les Allemands ont gagné l'édition 1903. En 1905, c'est en France, c'est le circuit d'Auvergne, parce que ce sont les Français, bien sûr, qui l'ont emporté l'année précédente. Donc, il faut imaginer un circuit. Et à l'époque, la problématique est la suivante. Il faut trouver un circuit qui reproduise la diversité de la route. C'est-à-dire que le critère auquel on s'attache, c'est ce qui se faisait à l'origine, la course de ville à ville. Comme on ne peut plus organiser de courses de ville à ville, c'est interdit, c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc. On organise des courses en circuit, mais il faut que les circuits soient suffisamment variés, avec des côtes, des descentes, des virages, des lignes droites, etc., pour que on reproduise la route dans sa diversité. Et puis, dans le même temps, il faut que ce circuit, que l'itinéraire de ce circuit ne soit pas trop compliqué. J'avais noté une phrase de Charles Farou, donc Charles Farou qui deviendra le premier directeur des 24 heures du Mans, et qui disait en 1905 que les courses automobiles avaient pour vocation de faire progresser les voitures, mais pas la race des conducteurs. Donc on voit bien qu'on est ici dans une logique d'encouragement. La compétition sert à stimuler les progrès, mais les progrès techniques, les progrès de l'automobile, et non pas la qualité des pilotes, leur virtuosité. Donc on est vraiment dans une compétition qui est, je pense, d'abord une compétition effectivement de marque. Le prestige national, bien sûr, est très largement mis en avant. Le pilote vient après. D'ailleurs, c'est encore assez largement le cas aujourd'hui. Les 24 heures du Mans, je pense que tout le monde aura retenu que c'est Ferrari qui l'a emporté. Quant à dire le nom des pilotes qui ont conduit cette voiture à la victoire. Bon. C'est à la différence de la Formule 1 d'ailleurs. Hervé Guillaumard. Oui. Dans cette réflexion sur les premiers circuits à mettre en place, on évoquait cette Gordon-Bennett. Ce sont exactement les fondamentaux des futures 24 heures du Mans, enfin du règlement des futures 24 heures du Mans que monsieur vient de définir. C'est exactement ça. Il faut représenter un parcours routier, il faut être sur un circuit routier, et on va, pour lancer les 24 heures du Mans, prendre le principe qu'il faut démontrer la fiabilité de voiture. On disait à l'époque bona fide, de bonne foi, c'est-à-dire fabriquée par un constructeur qui s'engage à livrer une voiture telle qu'elle est livrée au client lambda. Et c'est sur cette base-là qu'on va comparer. En fait, les 24 heures du Mans sont nés pour être un laboratoire, un banc d'essai à ciel ouvert et grand public pour démontrer quelle est la fiabilité des différentes automobiles présentées. Et c'est ce qui va faire le succès. Nous pourrions lister les différences qu'il y a entre ces premiers temps et aujourd'hui avec, dans ces premiers temps, un aspect très national et Hervé Guillaumard, ces voitures qui, dans l'absolu, pourraient être achetées par le public ensuite. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les voitures qui courent aux 24 heures du Mans, on se dit, je vais pas l'acheter, je vais pas rouler sur la route avec. Mais dans les premiers temps, c'était un peu ça, c'était montrer la fiabilité de la voiture. Ah oui, c'était proposé au client lambda, vous pouvez acheter cette voiture-là, vous avez vu ce qu'elle est capable de faire, elle va résister 24 heures aux intempéries, à la route qui est quelquefois pas très souriante quand même, il faut bien le reconnaître à l'époque, et c'est ce qui va faire le succès, c'est que en fait ce sont les lecteurs du journal de Farroux qui vont avoir suscité cette création, puisque en 1922 au salon de Paris, Georges Durand, le secrétaire général de la CO, rencontre Farroux, et Farroux lui dit, les lecteurs de mon journal voudraient qu'on organise une confrontation entre toutes les voitures fabriquées en Europe pour savoir quelle est la meilleure voiture à acheter pour un usage quotidien. Et ben voilà, et on est tout parti. Simplement. Voilà, on est parti sur cette base-là. Charles Farroux, qui dirige le journal L'Auto, et puis vous évoquez la CO, l'Automobile Club de l'Ouest, Hervé Guillaumard. Donc pourquoi en 1923, il y a cette décision? Je pourrais décliner ma question. Hein. Pourquoi 1923 et pourquoi Le Mans? Alors, en 1921, je disais tout à l'heure, il y a eu un Grand Prix. Et Farroux et Durand et les gens qui gravitent dans cette association entendent déjà les patrons des grandes marques dire « Oh là là, les Grands Prix, ça nous coûte une fortune colossale et on n'en a pas la retombée du point de vue économique. » Et donc, ça fait réfléchir les gens de la CO et Farroux en synthèse en disant « Il faut que l'on propose quelque chose qui soit directement dans l'intérêt du client lambda qui va vouloir acheter une voiture, aidons-le à faire le bon choix en démontrant la fiabilité de toutes les marques. Ah oui, voilà, c'est vraiment un objectif qui, en fait, a un intérêt pour tout le monde. C'est-à-dire que pour le directeur du journal, il va vendre son journal. Pour les fabricants d'automobiles, ils vont pouvoir montrer au public la fiabilité de leur auto. Et pour le public lui-même, il y a un spectacle qui s'organise, Benoît. Carité, c'est gagnant-gagnant de tous les côtés. Tout à fait. Alors, un spectacle, effectivement, et qui est vendu comme tel, puisque dès les premières éditions des 24 heures du Mans, quand on présente le programme, on présente bien sûr les automobiles qui vont y participer, on rappelle quel est le circuit, mais il y a également des précisions pour dire qu'on va pouvoir se restaurer, qu'il y aura tel orchestre qui animera à certains moments du week-end, qui animera la fête également. Donc, on convie un public relativement mondain à une grande fête, finalement, qui se déroule sur le bord d'un circuit automobile. Et puis, bon, ben, il y a deux publics. Hein. Il y a ce public huppé qui suit de près la compétition automobile. Il y a également le public populaire, donc, qui va pouvoir, lui, assister, non pas depuis les tribunes, mais depuis le bord de la piste. On peut lui donner un départ à cette course fabuleuse, les 24 heures du Mans. Nous nous trouvons en 1923. J'imagine, il se disait, mais tiens, comment on va faire pour les faire partir? Bah, si on commençait à pied, en faisant courir les pilotes. Le Mans 69. La caractéristique du Mans à l'époque, ce n'est pas une grille de départ conventionnelle. C'est vraiment le départ Le Mans. Il est unique. Parce que vous rangez vos voitures en épi d'un côté de la piste, le pilote se met dans son cercle de l'autre côté, le drapeau s'abaisse, il court comme un fou dans sa voiture pour partir aussi vite que possible. Ça, c'est le départ Le Mans. Le charme des 24 heures du Mans, bien sûr, c'est d'abord le fait que je décide de marcher à ma voiture, donc je suis seul en piste à un moment donné. Je dois presser le pas à la fin parce que les autres sont déjà en train de partir. Mais c'est surtout de finir premier. Alors on m'attribue volontiers le fait que j'ai changé le départ Le Mans. Ce n'est pas exact. Je n'ai été que l'inspiration sur le fait que partir non attaché dans une voiture de course qui va faire 300 à l'heure et plus dans la ligne droite des Hunaudières, c'est un vrai défi d'essayer de les mettre pendant ce relais. Ou dans la ligne droite, c'est compliqué. Bref, moi, je n'y suis pas arrivé. Donc, je n'en suis que l'inspiration. Mais celui qui l'a changé, c'est John Wolfe, au tour 1, qui se tue non attaché. Souvenez-vous de ce nom, John Wolfe est celui qui a changé le départ Le Mans en 1969. Le Mans 69, documentaire sur Eurosport où l'on entend parler Monsieur Le Mans, parce que 6 victoires au Mans, c'est Jackie X, Hervé Guillaumard, quand Jackie X évoque ce changement de départ du Mans, c'est-à-dire là où les coureurs devaient cavaler jusqu'à leur bolide et puis où ils partaient directement déjà installés. Dans les premiers temps, 1923, comment partent ces pilotes ? En 1923, on est justement sur une grille préformée, comme le disait Jackie X. Il faut attendre 1925 pour voir naître le départ en arête de poisson, c'est-à-dire en épi, avec comme première mission, quand les pilotes ont couru à travers la piste et ont rejoint leur voiture, de monter la capote de la voiture pour faire un laps de temps ou un nombre de tours précis afin de démontrer la qualité et la solidité de la voiture à haute vitesse dans une grande Hunaudière. Et ce départ couru va avoir cours jusqu'à 1969. Et Jackie X gentiment renvoie la création de ce ou l'abandon de ce départ à John Wolfe, qui c'est vrai s'est tué dans le premier tour, car que ne dit pas Jackie, enfin du moins pas directement, c'est que les pilotes, pour partir plus vite, partent sans s'attacher. Et ils tentent après, dans la ligne droite à 300 à l'heure, de bloquer le volant avec les genoux et à 300 à l'heure d'enfiler leur harnais de sécurité. Et à ce jeu-là, il y a eu quelques accidents, dont un qui touche profondément Jackie X, qui est celui de Willy Mairesse en 1968, qui va être accidenté gravement dans les Hunaudières au premier tour et qui ne recouvrira jamais toutes ses facultés pour faire la carrière de pilote qui lui était promise. Et Jackie, je crois, en a tenu compte également. Mais Jackie a fait une démonstration éblouissante de ce qu'il fallait faire, puisque le lendemain de son départ à pied, alors que tout le monde courait, il a gagné avec 120 mètres d'avance. Et ben voilà, comme quoi rien ne sert de courir, il faut partir à point. Benoît Caritet, la mise en place de ce départ couru avec ses véhicules en arête de poisson, donc c'est en 1925, c'est du spectacle aussi, parce que ça n'a pas d'utilité en soi. Non, effectivement, on ne peut pas trouver d'utilité spécifique à ce type de départ, ça ajoute à la tension du départ par rapport au départ donc sur gris qui existait. Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est que ces départs avec une grille de départ, les voitures alignées les unes derrière les autres, c'est quelque chose qui a été mis en place seulement dans les années 20, au début des années 1920. Auparavant, les routes étaient trop étroites et comme elles n'étaient pas revêtues de goudron comme elles l'ont été ensuite, il y avait trop de poussière. Donc dans les grands prix, y compris d'ailleurs le grand prix de 1906 sur le circuit de la Sarthe, les voitures partaient toutes les 3, 5 ou 7 minutes. Elles partaient pas en même temps. Partaient pas en même temps parce que ça n'était pas possible de gérer un peloton comme ça sur des routes qui ne faisaient que 6 mètres de large et qui étaient empierrées et qui soulevaient d'ailleurs des nuages de poussière très impressionnants à l'origine d'un certain nombre d'accidents dramatiques. Donc ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, au moment où les routes s'élargissent, au moment où l'on commence à expérimenter des méthodes pour limiter la poussière, qu'on va pouvoir envisager de faire partir toutes les voitures en même temps, ce qui bien évidemment ajoute au spectacle, parce que quand on voit les voitures passer les unes après les autres sans savoir laquelle est la plus rapide, laquelle ne l'est pas, ça manque un peu de charme, comprendre. Benoît Caritet, quel est ce premier circuit des 24 heures du Mans ? À quoi il ressemble ? Parce que, il faut le rappeler, ce sont des routes utilisées au moment où ce n'est pas la course, des routes normales. Tout à fait. Donc, on utilise le réseau routier ordinaire. C'est le principe, d'ailleurs, de tous les circuits à cette époque-là. On commence à parler de circuit permanent parce que on envisage, dès 1921, de reconduire des courses très régulièrement sur ce circuit. Et donc, grâce à cette reconduction des compétitions sur le même circuit, on va pouvoir capitaliser les aménagements qui ont été réalisés à une époque où, c'était déjà le cas et c'est toujours le cas aujourd'hui, les courses automobiles coûtent horriblement cher. L'installation, l'aménagement, l'entretien d'un circuit coûte une véritable fortune. Et je termine sur le Grand Prix de l'Automobile Club de France de 1906 qui avait laissé un très large déficit. Donc on s'inquiétait beaucoup de cette question financière. Mais une fois que ces 24 heures du Mans s'avèrent un succès, ben là, il faut appeler directement. Alors, Jacques Filassier, présenté comme décorateur et coloriste conseil. Eh bien, les problèmes à résoudre étaient, pour l'Automobile Club de l'Ouest, des problèmes de confort pour le public qui, chaque année, devient de plus en plus nombreux. Pour cette raison, l'ACO a fait construire de nouvelles tribunes, a amélioré aussi pour les coureurs l'état de la route, pour les systèmes de protection qui sont le long de la route, mais c'était effectivement insuffisant et le directeur de M. de Chancenel et M. Plassard, le secrétaire général, ont conçu l'idée d'un village qui permettrait aux spectateurs de venir là se retremper un petit peu, et tout de même 24 heures c'est long, et venir chercher les choses dont ils ont un peu besoin, une certaine variété dans le spectacle. Et puis quelques heures de détente aussi de temps à autre. Quelques heures de détente aussi. De la détente dans le spectacle, émission consacrée aux 24 heures du Mans en 1954, Benoît Caritet, c'est vraiment tout ce que nous évoquons depuis le début. Il y a le spectacle, mais surtout la nécessité de prendre en compte l'évolution de ces 24 heures du Mans en raison de la popularité. Il y a beaucoup de gens. Tout à fait. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les 24 heures du Mans, c'est aussi une fête avec ses manèges, ses attractions, ses bals, ses restaurants, ses buvettes. Donc, on peut regarder la course, mais on peut aussi se divertir, se changer les idées. Ça fait partie de la fête autour des compétitions automobiles. Toutes les compétitions automobiles ont cette logique-là à l'époque. C'est quelque chose qui est relativement marqué, et quels que soient les grands prix de l'Automobile Club de France. Je pense à celui de 1924 à Lyon, où là encore, à différents endroits, des orchestres sont annoncés. Donc si l'on va à cet endroit, on pourra écouter de la musique, on pourra danser, éventuellement, bien sûr, si on le souhaite. Au milieu de cette grande fête, il y a quand même des gens qui bossent, ce sont les pilotes, Hervé Guillaumard. Le circuit lui-même évolue-t-il beaucoup dans ces premières années 1923, les premières 24 heures du Mans? Donc on l'a dit, un circuit qui est sur des routes absolument normales. Il grandit ce circuit, parce que on voit bien que des noms entrent peu à peu dans l'histoire même de la course automobile et des 24 heures du Mans, avec des lieux spécifiques. Alors, il va raccourcir le circuit, parce qu'en fait, il pénètre dans les faubourgs du Mans, et on s'aperçoit dès 1923, la première édition, que ça crée un certain nombre de turbulences dans la vie de la ville. Et en 1928, on va étêter la pointe nord qui rentre dans les faubourgs du Mans, et en fin de compte, on a été trop modeste, puisqu'en 1932, il va falloir cette fois prendre beaucoup de recul. Le circuit va passer de 17 km 200 à 13 492 km, et là, on va être uniquement dans les bois de pins, au sud de la ville, et on n'aura plus de perturbations de la vie de la commune. Et ce circuit-là, Benoît Caritet, c'est vraiment un circuit lié à la ville, à la vie de la ville. C'est ce lien intime qui unit Le Mans à ses 24 heures. Et on le voit bien encore aujourd'hui combien la ville est fière, à raison, de cette course. Alors, je ne sais pas quel est le lien que les habitants du Mans et des environs pouvaient nouer avec la compétition dans les premières années de son existence. Il y avait des conflits d'usage. Je sais qu'au moment des essais, souvent, les riverains voulaient pouvoir utiliser normalement le réseau routier. Et bien évidemment, pendant ce temps-là, les concurrents voulaient essayer leurs machines, s'entraîner sur le circuit. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est en 1924 ou 25 où il y a un accident mortel, un des concurrents qui, lors des essais, heurte une charrette qui traversait la route. Et donc, oui, il y a de vrais conflits d'usage. Alors, après, les opposants aux courses automobiles, à cette époque-là, bien évidemment, on ne les entend pas. Ils n'ont pas voix au chapitre, la presse n'en parle pas. Souvent, ce sont des gens de conditions modestes, donc ils n'ont pas forcément les ressources pour se faire entendre. Et puis, nous sommes quand même à l'époque donc où se met en place la civilisation de l'automobile. L'intérêt général, dirait-on, c'est permettre le développement de l'automobile, s'opposer au développement de l'automobile, c'est faire valoir des intérêts particuliers. Quelque chose qui est en train de changer assez largement aujourd'hui. Mais oui, il y a une opposition qu'on peut relever. Alors, peut-être pas sur Le Mans, mais moi j'avais vu sur le circuit des Ardennes, donc qui est un circuit qui est créé en 1902 par le club automobile belge, on y dispute plusieurs années de suite une compétition, et lors de certaines éditions, on relève un nombre anormalement élevé de crevaisons. Donc, vous imaginez pourquoi ce nombre anormalement élevé de crevaisons. Des riverains ont dû trouver amusant de semer des clous sur le passage des voitures pour exprimer un mécontentement, une opposition, mais de façon assez sourde, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas que le temps de la compétition. Hervé Guillaumard, le circuit, c'est aussi, et on l'a bien dit, pour la compétition même, un moment pour montrer la robustesse des voitures, mais c'est aussi un lieu d'innovation. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est ce côté essai. On peut essayer ces véhicules sur le circuit, et c'est pour ça qu'il y a toutes les préparations avant le jour de la compétition. Oui, il y a des essais préliminaires, il y a effectivement un développement des véhicules et une mise en conformité du règlement technique qui permet à chaque écurie de tester son véhicule. Et comme vous le disiez très justement, il y a eu énormément d'innovations technologiques majeures que l'on doit aux 24 heures du Mans. Les freins à disque, les phares à iode, les pare-brise triplex, le pneu à carcasse radiale, la traction avant qui est probablement l'invention la plus importante dans l'histoire mondiale de l'automobile. 95% du parc automobile européen et traction avant, ce qui permet d'avoir des chiffres de mortalité routière extrêmement bas aujourd'hui. Et par contre, l'innovation dont personne ne parle, c'est le goudronnage des routes. Le circuit des 24 heures du Mans a réussi à convaincre en quelques années, entre 1925 et 1929, l'État français qu'il fallait cesser de faire des routes en or, c'est-à-dire que l'État dépensait une fortune colossale pour faire 800 km de route, et du jour où ils ont adopté la technique du goudronnage du circuit des 24 heures, on est passé à 40 000 km annuels pour le même prix. Ce qui a fait que Le Mans est devenu le laboratoire national d'essai des ponts et chaussées, et aujourd'hui encore, nous sommes une référence mondiale pour le goudronnage des routes, et en tout cas des routes françaises. Et si le réseau routier français est développé à ce point-là aujourd'hui, on le doit en particulier aux 24 heures du Mans. Et 24 heures du Mans, des innovations pour les véhicules, mais des innovations pour la route. Benoît Carité, d'ailleurs auparavant, c'était quoi? Alors, ces routes en or, c'est du pavé? Alors, c'était des routes macadamisées. C'est-à-dire qu'on tassait de la pierre, des pierres de tailles différentes, qu'on recouvrait d'une couche de sable, que l'on tassait ensuite avec des rouleaux compresseurs. Ce qui se dégradait très vite, puisque les intempéries faisaient que très rapidement, ces routes étaient... Il y avait des ornières, c'était raviné. Et puis également, bon, le problème de la poussière, alors qu'il ne se pose pas pour des charrettes qui avancent au pas, mais pour des automobiles qui très rapidement dépassent les 50, 60, 100 km/h, bien évidemment, c'est un problème très important, avec un vrai problème de sécurité, lorsque une voiture veut en dépasser une autre, ou une voiture vient d'en croiser une autre. Et c'est vrai que dans les années 20, un certain nombre de solutions sont testées, elles sont testées au Mans, donc il y a différentes parties du circuit qui sont revêtues de tel type de revêtement, et on regarde lequel résiste le mieux à l'épreuve de voitures qui circulent pendant 24 heures au maximum de leur vitesse. Dans les années 30 également, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais il me semble que dans les années 30 également, on expérimente le marquage au sol sur le circuit du Mans. Hervé Guillaumard. Tout à fait raison. La première bande médiane, elle est née, je crois, en 1932, de la volonté des pilotes qui ne voyaient rien la nuit quand il faisait sombre et qu'il pleuvait, qui plus est. Et donc, on leur a mis une ligne médiane pour permettre de se repérer par rapport à l'axe de marche. Et cette ligne jaune, elle a coûté quelques points de permis de conduire depuis à beaucoup, mais elle est née au Mans. Et dans cette histoire des 24 heures du Mans, 24 heures, il y a la nuit, il y a les différentes saisons possibles qui peuvent passer en une seule journée. On peut avoir du grand soleil, de la pluie, du brouillard. Hervé Guillaumard, on parle des bandes signalétiques, bien sûr. Il y a tous les matériaux réfléchissants qu'on connaît par cœur sur nos routes. Vous avez raison, ils ont été testés à partir de la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à mettre des cataphotes, on a mis des systèmes réfléchissants pour les courbes et les virages dangereux. Et puis on est passé au revêtement réfléchissant qui venait la plupart du temps d'une société américaine. Mais moi je me rappelle très très bien avoir été dans ceux qui ont posé des panneaux et on disait que la nuit c'était même un ruban lumineux quasiment de chaque côté de la piste tellement c'était bien fait. La signalisation verticale et horizontale était remarquable avec des techniques de microbilles de verre qui maintenant font bien sûr partie de notre quotidien la nuit sur les routes, mais elles ont été testées au Mans. Avec des virages dangereux, dites-vous Hervé Guillaumard, mais ils sont voulus ces virages dangereux. Il y a ces lieux très particuliers sur le circuit du Mans qui restent dans les mémoires. Alors c'est devenu vraiment le moment attendu, le passage. Alors il y a les Hunaudière, c'est quoi ça? C'est la grande ligne droite, c'est ça? Oui, c'est une route internationale. C'est la route qui va de l'Angleterre à l'Espagne et qui est utilisée 5 km 500 depuis. même si on va beaucoup plus en avant, à l'époque des bolets de voitures à vapeur au Mans, ça s'appelait la route des records. Et donc cette route a permis d'atteindre une vitesse absolument faramineuse en 1988 de 407 km/h, validée 405, et c'est ce qui a fait prendre conscience à la Fédération internationale qu'il fallait faire deux ralentisseurs pour réduire la vitesse des voitures, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque maintenant on plafonne à 345 km/h. Dans ces lieux très particuliers, on évoque les Hunaudières, les S d'Arnage, etc., etc. Benoît Cariter, vous êtes celui qui avait dirigé la fabrique de l'information sportive Loto, donc le journal Loto, 1900-1944. Il y a cette volonté de la part aussi des journalistes, et c'est un intérêt de mettre en avant ces lieux très particuliers, c'est-à-dire des signes de compréhension entre un lectorat et le monde de la course automobile. Un univers entier est créé autour de cela. Alors, tout à fait. On décrit le circuit. Alors que ce soit le circuit du Mans ou les autres circuits sur lesquels peuvent se dérouler les compétitions automobiles dont parle le journal Loto. On les montre également, donc des gravures, des photographies. Et puis Charles Farou, donc le responsable de la rubrique automobile, explique quelles sont les qualités requises pour telle voiture sur tel circuit. Il faudra ici des reprises de qualité parce qu'il y a beaucoup de sorties de virages en côte. Il faudra ici un embrayage particulièrement solide. Donc il y a une forme de... Un peu comme dans les courses de chevaux, on est capable de dire voilà celui qui va gagner simplement en regardant l'état du terrain, etc. Là, on peut aussi faire ce type de diagnostic. Et Charles Farou était passé maître dans cet art-là de prédire la voiture qui gagnera aura telle caractéristique. Et puis, c'est un vrai univers. Alors là, on est dans du social complet. La lecture de cette presse entraîne, j'imagine, des discussions. Alors là, le chercheur a du mal à les saisir, ces discussions, parce qu'elles laissent moins de sources, mais tout est commenté à partir de la lecture de ces journaux. Oui, tout à fait. On peut penser que les lecteurs discutaient beaucoup après avoir lu l'annonce, les pronostics de Charles Farou ou d'autres journalistes de la presse sportive. Et puis, bien évidemment, les résultats étaient très largement commentés, à la fois sur le plan sportif. On racontait l'histoire, on la faisait vivre, on lui donnait un aspect dramatique. Et puis, il y avait aussi toutes les discussions techniques qui s'en suivaient. Et là, encore une fois, Charles Farou était passé maître dans cet art. Hervé Guillaumard, à partir de quel moment cet aspect national et patriotique de ces courses automobiles disparaît pour mettre vraiment là en avant les marques et peut-être aussi les pilotes, mais nous l'avons dit, hein, dans le cas des 24 heures du Mans, c'est vrai que la marque a tendance à l'emporter sur le nom du pilote. Oui, tant qu'il s'agit d'une marque connue avec une production qui est industrielle, mais on est aussi arrivé dans cette ère où on va avoir des écuries qui vont construire leur propre voiture. On va même avoir une année une marque de papier peint qui va être le nom de la voiture et qui va gagner. Donc la bascule se fait à l'époque où arrive la publicité et en même temps disparaît la publicité sur les voitures, j'entends, et en même temps disparaissent les couleurs nationales dont on avait parlé plus avant. Et là, ça va être une complète révolution, parce qu'on va avoir des voitures multicolores, bardées de publicités, et on va essayer de vanter le produit en question, au détriment un petit peu de la marque de la voiture, et quelquefois au détriment du pilote. Par contre, vont émerger des grands pilotes, comme bien sûr Jackie X, pour lesquels on parlera éventuellement de la marque, mais essentiellement du pilote, et ça sera vrai pour le 21e siècle avec Tom Christensen. Avec dans cette histoire-là, ce passage, et ça vaut pour tous les sports, et notamment le sport automobile, de l'amateurisme au professionnalisme. Laissons la parole à Luigi Chinetti, qui a participé 12 fois aux 24 heures du Mans, et qui a gagné 3 fois. Je voudrais vous demander, dans un autre ordre d'idée, par exemple, en 32, en 34, quand vous couriez les 24 heures, qu'est-ce que vous faisiez comme différence entre les pilotes de cette époque et les pilotes de maintenant? Peut-être ça peut pas plaire la façon que je m'exprime, mais je trouve que c'est très, très, très différent. À l'époque, j'ai connu ce qu'on peut appeler des purs de ce sport automobile. L'amateur qui court au début avec ses propres moyens, il n'a qu'en vue d'arriver un jour être un professionnel, un champion de la course. Alors que moi, j'ai eu le grand honneur et chance de connaître des grands gentlemen de la conduite, qu'ils étaient surtout des sportifs, que la prime d'arrivée comptait pas, et au moins d'ailleurs, il n'en avait pas. Ça ne nous empêchait pas de tous aimer cette course. Ah bah oui, tout le monde aimait cette course. C'est en 1972 que s'exprimait Luigi Chinetti. Benoît Caritet, il y a un peu d'idéalisme peut-être dans ce qu'il disait. Les pionniers, les purs, faisaient du sport uniquement pour faire du sport. Alors, je pense que deux populations de pilotes se côtoyaient, et se côtoient d'ailleurs toujours plus ou moins aujourd'hui dans les 24 heures du Mans, puisque c'est une course qui reste ouverte aux amateurs. On va y retrouver des acteurs, on va y retrouver des personnalités qui ne sont pas... Enfin, la spécialité première n'est pas le sport automobile. Mais dès l'origine, à côté de vrais amateurs, d'aristocrates qui s'intéressent à la course automobile et qui la pratiquent, qui participent à des courses automobiles, on va trouver des pilotes d'usines qui sont rémunérés pour y participer. Je pense Louis Chiron, par exemple, dans les années 30, Jean-Pierre Vimy, ce sont des pilotes professionnels et ce ne sont pas les seuls, ce sont peut-être ceux qui étaient le plus connus à cette époque-là. À côté de ces pilotes professionnels, on a un Philippe Étancelin qui, bon, voilà, quelqu'un qui a une fortune personnelle et qui a constitué sa propre écurie, mais cela dit, étant donné le prix exorbitant de la course automobile, il n'est pas mécontent de trouver des sponsors et de remporter quelques grands prix, doter cela effectivement d'une bourse aux vainqueurs. Eh oui, c'est toujours mieux parce que ça permet d'investir pour la course suivante. Hervé Guyomard, sur ce passage, peu à peu au professionnalisme. Eh bien, effectivement, les 24 heures du Mans, c'est 186 pilotes au départ. On est totalement dans l'incapacité de trouver 186 pilotes professionnels. Et de tout temps au Mans, il y a eu cette partie des pilotes qu'on appelait gentleman drivers, dont parlait Luigi Chinetti. Ce sont ces gentleman drivers qui sont probablement pour 60% maintenant les pilotes au départ. Alors, pour quand même un souci d'équité sportive et surtout de sécurité, tous ces gentlemen drivers sont nécessairement conviés à passer une journée sur un simulateur dans une société avant les 24 heures, avec des niveaux de compétences relevés pendant les plusieurs heures où ils vont passer sur le simulateur, ce qui permet d'arriver à un niveau de conduite tout à fait cohérent entre les pros et les gentlemen drivers. À ces évolutions, c'est à celles auxquelles on assiste durant tout le 19e siècle, du 20e siècle, pardon, avec là encore, sur le circuit même, un écart qui se fait de manière de plus en plus nette avec la route réelle. Parce que, on l'a bien dit, ce sont des véhicules de tourisme au début que les gens pourraient acheter s'ils avaient de l'argent. Les véhicules sont de moins en moins accessibles ou de plus en plus adaptés à la course. Et Benoît Caritet, le circuit lui-même aussi évolue. Tout à fait. Alors, une première remarque pour répondre à la première partie de votre intervention. C'est vrai que lorsqu'on crée ce qu'on appelle l'autodrome, c'est-à-dire l'équivalent d'un vélodrome, mais construit aux dimensions de l'automobile, c'est quelque chose qui rencontre une certaine hostilité de la part des journalistes spécialistes d'automobile, parce que dans cette configuration très artificielle, la voiture que l'on va développer n'est pas la voiture que l'on peut ensuite utiliser sur la route, sur le réseau routier normal, avec ses difficultés, ses côtes, ses descentes, ses virages. Et donc, c'est quelque chose qui fait débat. Et toute la problématique du circuit, pendant longtemps, a été de reproduire ce qui faisait la diversité, le charme, les inconvénients peut-être aussi du réseau routier, pour que la voiture qui remporte la compétition, le Grand Prix ou les 24 heures du Mans, eh bien, que cette voiture, ce soit une voiture que l'on puisse utiliser dans les conditions réelles. Mais progressivement, les voitures de course sont de plus en plus spécifiques et ne sont pas non plus à mettre entre toutes les mains, hein, à partir du moment où les vitesses deviennent très importantes. Et c'est clair que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une séparation, je crois, assez nette entre la voiture de course, le pur sang, et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. D'autant plus que on voit, en France en particulier, se développer une voiture plus démocratique. Alors, l'exemple, c'est la 2 chevaux, c'est aussi la 4 chevaux. Alors, avec ce site particulier, c'est que on a vu des 4 chevaux participer aux 24 heures du Mans. Ah oui, mais elles gagnaient. Alors, elles étaient résistantes, elles arrivaient au bout. Elles sont arrivées au bout. Maintenant, dans leur catégorie, elles avaient peut-être prouvé quelque chose. Et le circuit lui-même évolue. Il s'éloigne de la route réelle, de la route que tout le monde peut emprunter. Inévitablement, avec les conditions de sécurité qui changent, les voitures allant de plus en plus vite, il faut des conditions de sécurité toujours plus drastiques, des routes toujours plus larges. Inévitablement, on s'éloigne de plus en plus de la route réelle. Cela étant, lorsqu'on roule dans les environs du Mans sur les routes qui servent aux 24 heures du Mans, on n'a pas l'impression non plus d'être sur une piste d'aérodrome. Hein, on est sur une route qui est d'une configuration normale. Avec Guillaume Art, toujours dans cette réflexion sur la similitude ou les différences entre les 24 heures du Mans et puis la route réelle, et on voit qu'il y a un écart, mais pas tant que ça en fait. La question de la féminisation se pose parce qu'au cours du XXe siècle, de plus en plus de femmes obtiennent leur permis de conduire et conduisent des véhicules. Qu'en est-il pour les 24 heures du Mans ? Alors, dans l'histoire, il y a eu 64 femmes à faire les 24 heures du Mans, avec des périodes où il n'y en avait plus, mais elles ont commencé en 1930, avec Odette Sicot, qui fait une place tout à fait honorable, 7e au classement avec une petite Bugatti type 40 de 1500 cm3, c'est un classement remarquable. Elle va d'ailleurs, dans les années suivantes, se mêler à la victoire avec des voitures plus puissantes. Après-guerre, on va avoir quelques aviatrices qui vont venir aux 24 heures, dont Viviane Helder, qui est bien connue, et qui est une personne qui va tenter sa chance aux 24 heures, peut-être par opportunisme. Je pourrais pas dire ça. Il va y avoir une grande traversée du désert des années 50 à 70 à peu près, avec quelquefois quand même une apparition comme Marie-Claude Beaumont, championne de France de rallye, qui vient faire les 24 heures. Un équipage féminin qui remporte un classement dans les années 75. Et puis on va attendre pratiquement les années 90 après pour voir revenir des équipages féminins, plutôt dans les voitures dites grand tourisme et non pas dans les prototypes. Les prototypes, c'est assez rare quand même d'avoir des femmes au volant. Mais là, depuis quelques années, on a un retour de jeunes talents, dont français, certaines. Il y a deux françaises aux 24 heures cette année qui étaient remarquables et qui sont très très jeunes et très prometteuses, puisqu'elles ont gagné un classement du championnat du monde cette année avec une voiture dont la marque vient de gagner les 24 heures. Avec un objet culturel, historique, les 24 heures du Mans, qu'on ne peut pas mettre de côté au moment d'étudier une société, tellement le mouvement est populaire. Pour les historiens et les historiennes, la question des sources se pose toujours. Hervé Guillaumard, créateur du service patrimoine de l'Automobile Club de l'Ouest. On a beaucoup d'archives, ça a laissé énormément de traces, ces courses organisées année après année. Oui, on a énormément d'archives au circuit, et on vient de, justement, moi j'ai un peu créé ce service pour essayer de faire le tri de tout cela et garder dans la mémoire tous les faits importants, parce que c'est devenu un phénomène quand même. On a franchi le siècle, l'association a 117 ans d'âge, et on a tellement conscience maintenant d'avoir participé à l'évolution de l'automobile mondiale à travers les autos, mais aussi à travers les routes, qu'il faut qu'on puisse dater, acter tous ces grands moments. Et je pense qu'il y en a eu énormément avant-guerre, dont on n'a pas tant que ça conscience, et il faut à l'heure actuelle, je crois, les mettre en avant. Oui, parce que c'est très important de garder tous ces souvenirs du Mans, avec les joies immenses de victoire, la tristesse de ceux qui ont perdu, les moments dramatiques avec les accidents, je pense à celui de 1955. Benoît Caritet, sur cette réflexion sur les sources, vous travaillez particulièrement sur la presse, c'est gigantesque, il faut le dire, parce que c'est partout, c'est présent, il va y avoir dans énormément de journaux, soit beaucoup parce que c'est un journal sportif, soit l'évocation avec une narration qui est magique. Alors, ce qui est intéressant, moi je travaille effectivement beaucoup à partir de la presse, essentiellement. Ce qui est intéressant avec l'histoire du sport automobile, c'est qu'au début, c'est assez facile à suivre, puisque les compétitions ne sont pas très nombreuses. Et à partir de la fin des années 20, du début des années 30, ça explose. Tout le monde veut son Grand Prix, tout le monde veut sa course automobile. Chaque club automobile régional organise son événement. Et comme il n'y a pas encore de championnat structuré, ça ne se mettra vraiment en place qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Les mêmes pilotes vont participer à des courses d'intérêt très différent, l'idée étant bien sûr de gagner, éventuellement de remporter une prime. Donc oui, ça explose, c'est une quantité de choses à consulter extrêmement importante, et puis je pense que l'Automobile Club de France a des archives plus qu'intéressantes que je n'ai pas eu l'occasion de consulter. La Fédération Internationale Automobile aussi doit avoir des archives tout à fait intéressantes qui permettraient d'éclairer cette histoire qui, pour l'instant, est assez peu parcourue. Alors, bien sûr, des mémorialistes comme M. Guillaumard font un travail extrêmement précieux, extrêmement important, mais les historiens ne se sont pas encore trop emparés de cette question-là. Avec, et pour terminer, on peut le rappeler dans la lecture que on peut faire, il suffit d'aller sur Gallica, regarder tous ces journaux, une vraie qualité de narration de ces événements-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans juste les résultats. Il y a tout un discours qui se construit et qui correspond à la naissance même de ces courses. Il faut raconter des choses. Tout à fait. Donc on raconte plutôt bien. Alors il y a la double dimension, la dimension dramatique, la dimension technique. Et ce sont effectivement des auteurs relativement inspirés qui écrivent ces articles. Je prends un exemple. Pierre Souvestre, que vous connaissez comme l'auteur, un des co-auteurs de Fantomas, était journaliste automobile à l'Auto. Et il mettait bien évidemment sa plume au service de cette cause, parce que, encore une fois, ce sont à la fois des professionnels qui essayent de gagner leur vie aussi convenablement que possible en parlant de sport et de sport automobile, mais ce sont aussi des passionnés, des militants qui essayent de convaincre leurs contemporains que l'automobile a un avenir. Un avenir et une histoire. Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté cette histoire des 24 heures du Mans, Hervé Guillaumard, et je rappelle hein, les coulisses du Mans que vous publiez un peu plus de 24 heures. Oh si, ça se lit sans problème, en moins de 24 heures, c'est sublimement illustré. Et merci aussi à vous, Benoît Carité, vous avez dirigé la fabrique de l'information sportive, l'Auto, le journal L'Auto, 1944. Merci à tous les deux. Bah, pour nous, la course continue, à top départ, pour Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi ne faut-il pas confondre les casserolades et le charivari ? Les concerts de casseroles organisés lors des déplacements du président Macron ont été parfois présentés comme le prolongement d'une ancienne tradition de protestation populaire qu'on appelle le charivari. Mais il s'agit là d'un raccourci historique qui illustre les anachronismes fréquents qu'alimentent les discours médiatiques. Les historiens ont montré que les premières casserolades étaient apparues au début de la monarchie de Juillet pour protester contre le gouvernement de Louis-Philippe. S'il existe des points communs entre ces concerts de casseroles et les anciens charivari, la différence fondamentale tient au fait que les casserolades du XIXe siècle s'inscrivaient dans le cadre des protestations à caractère politique. C'était déjà un moyen pour le peuple de s'en prendre aux élites qui prétendaient le représenter. En revanche, depuis le Moyen-Âge, les charivari n'ont pratiquement jamais visé les représentants du pouvoir central car ils étaient motivés par des enjeux locaux. Le charivari était une forme de mobilisation populaire contre des individus ayant enfreint certaines règles de leur communauté. Les participants défilaient en émettant des cris perçants et en se livrant à des mimiques obscènes pour se moquer de celles ou ceux qui faisaient l'objet de l'opprobre collective. La musique, les danses et les déguisements illustraient le caractère carnavalesque de ce genre de protestation. Parmi les conduites qui pouvaient donner lieu aux charivari, les plus nombreuses concernaient les atteintes au schéma traditionnel des rôles conjugaux. Les manifestants s'en prenaient souvent aux femmes qu'on appelait des mégères, comme celles qui battaient ou trompaient leur mari. Les charivari pouvaient aussi s'en prendre aux mariages considérés par la communauté comme mal assortis, notamment en raison d'une grande différence d'âge. L'homosexualité, perçue à l'époque comme une perversion, y compris dans les milieux populaires, était parfois dénoncée dans ce genre d'occasion. Mais au fil du temps, il semble que ce sont les maris ou les pères violents qui sont devenus la cible principale des charivari. Pour l'historien Edward Thompson, qui a retracé l'histoire du charivari en Angleterre, ces mises en cause de la violence masculine au sein des familles est un indice des profondes mutations dans la définition des rôles conjugaux qui se sont produits à l'époque moderne. Le charivari fut aussi utilisé contre des personnalités locales impopulaires. Des percepteurs, des policiers, des gardes-chasse, voire même des prédicateurs en furent les victimes. Au final, cette sorte de théâtre de rue peut être vue comme une étape intermédiaire vers les formes modernes de contestation politique, car le charivari exprimait publiquement des protestations qui restaient confinées auparavant dans la sphère privée. Néanmoins, même si des charivari furent organisés au XIXe siècle dans des conflits entre patrons et travailleurs de l'industrie, ce ne fut pas un mode d'action prisé par les syndicats. la structuration nationale et la politisation du mouvement ouvrier eurent pour effet de marginaliser cette forme traditionnelle de la violence populaire. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui la technique Alex Dang. Merci aussi aux équipes de France Bleu Maine et à celles qui mènent cette équipe, cette émission, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copé, Gillian Tilly, Tom Undenstock et Mayouen Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.